Bismillahirrahmanirrahim. Vel mursalati urfa. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par ceux qu'on envoie en rafale. Fal'asifati asfa. Et qui souffle en tempête. Wan-nashirati nashra. Et qui disperse largement dans toutes les directions. فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَا. Par ceux qui séparent nettement le bien et le mal. فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَا. Et lance un rappel. عُذْرًا أَوْ نُذْرًا. En guise d'excuse ou d'avertissement. إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ. Ce qui vous est promis est inéluctable. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. Quand donc les étoiles seront effacées, وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. Et que le ciel sera fendu, وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ. Et que les montagnes seront pulvérisées, وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ. Et que le moment pour la réunion des messagers a été fixé. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ. À quel jour tout cela a-t-il été renvoyé? لِيَوْمِ الْفَصْلِ. Au jour de la décision, le jugement. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. Et qui te dira ce qu'est le jour de la décision? وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ. N'avons-nous pas fait périr les premières générations? ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ. Puis ne les avons-nous pas fait suivre par les derniers? كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجَرِمِينَ. C'est ainsi que nous agissons avec les criminels. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. Ne vous avons-nous pas créé d'une eau vile? فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Que nous avons placé dans un reposoir sûr, إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ. Pour une durée connue, فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. Nous l'avons décrété ainsi, et nous décrétons tout de façon parfaite. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا. N'avons-nous pas fait de la terre un endroit les contenant tous? أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. Les vivants ainsi que les morts. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ Et n'y avons-nous pas placé fermement de hautes montagnes? Et ne vous avons-nous pas abreuvé d'eau douce? Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Allez vers ce que vous traitiez alors de mensonge. Allez vers une ombre fumée de l'enfer à trois branches. لا ظليل ولا يغني من اللهب. Qui n'est ni ombreuse ni capable de protéger contre la flamme. إنها ترمي بشرر